Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il y a des moments où les princes, les présidents, ont peut-être la sensation de sentir la terre se dérober sous leurs pieds. Ces moments sont sans doute ceux que l'on nomme révolution. En 1990, Mikhaïl Gorbatchev a-t-il pu ressentir cela ? Et se pourrait-il qu'il se soit dit alors, puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Pour se rappeler ce qu'était, à l'été 90, la situation politique en Russie et le rôle que tentait encore d'y jouer le père de la perestroïka et de la glasnost, on se reportera à l'analyse qu'en donnait à chaud Hélène Carrère-Dankos. Alors qu'à l'est de l'Europe, et dans ce qui était toujours l'Union soviétique, l'histoire était encore en train de s'écrire, Hélène Carrère-Dankos brossait au micro de Pascal Werner, plus que brillamment et en moins de 20 minutes, le portrait de celui qui avait amorcé un processus qui ne lui laissait guère d'autre pouvoir que d'en contempler les conséquences et de les accompagner, en s'efforçant que l'histoire ne soit pas une nouvelle fois tragique pour ceux qui ne gouvernaient déjà plus qu'à peine. Memento pour une année folle, Gorbatchev et les glaces de la glasnost, une émission enregistrée le 25 juillet 1990 et diffusée la première fois le 30 août de la même année sur France Culture. Memento pour une année folle, une série de Pascal Werner, aujourd'hui Gorbatchev et les glaces de la glasnost, avec Hélène Carrère-Dankos. Difficile de trouver le moment entre l'été 89 et l'été 90 où Gorbatchev n'a pas été sur le devant d'une scène européenne en pleine métamorphose, ou du moins dans un arrière-plan décisif. Le télescopage entre ce qui se passe en URSS et en Europe s'est joué à l'Est dès l'été 89 avec l'exode massif des Hongrois vers Vienne, avant même la chute du mur de Berlin. La doctrine Sinatra, « I had it my way »,« je l'ai fait selon mon chemin », avait décidément remplacé la doctrine Brejnev, selon la prédiction humoristique des amis de Mikhail Sergeyevitch. En juillet 90, on mesure l'accélération des choses avec un retournement spectaculaire. 8 jours à peine après le 28e congrès du Parti communiste soviétique, où il a été question de tout sauf de cela, Gorbatchev donne à Helmut Kohl le feu vert pour que l'Allemagne unifiée appartienne à l'OTAN. C'est la fin de la diplomatie de l'après-guerre en Europe, en même temps que l'annonce d'un nouveau traité germano-soviétique. Helmut Kohl se porte garant d'une aide économique privilégiée de l'Allemagne à l'URSS. Hélène Carrère-Dankos, vous êtes un scrutateur particulièrement vigilant de l'histoire russe et soviétique. Essayons, si vous le voulez, de prendre un peu de recul pour mieux comprendre l'avenir. Que représente Gorbatchev aujourd'hui ? Est-ce qu'il est le prince de la glasnost, celui qui cherche à coups de dollars et de marques à lancer un marché soviétique inexistant pour assurer la perestroïka sous perfusion ? Est-il un apparatchik coulé dans le moule pour mieux le casser ? Autrement dit, un homme d'État capable d'assurer la transition de l'URSS hors du totalitarisme ? Ou bien risque-t-il de sombrer dans les glaces du dégel et n'est-il plus que le prince d'un empire éclaté ? Bon, alors je vous répondrai d'abord qu'il y a deux Gorbatchev. Le Gorbatchev du monde extérieur et le Gorbatchev que ses compatriotes portent dans leur cœur et jugent. Le Gorbatchev du monde extérieur, c'est certainement celui qui est plébiscité homme de l'année dans tous les journaux. Et qui depuis a, à peu près 5 ans. Depuis à peu près 5 ans, mais évidemment particulièrement depuis à la fin de l'année 1989, le mur de Berlin s'est abattu, c'est-à-dire depuis que tout l'ordre d'après-guerre a été bouleversé. C'est tout de même l'homme qui a, et je crois que l'histoire retiendra cela, qui a permis que la fin de la division de l'Europe s'opère et la fin des révolutions qui n'avaient pas été voulues par les sociétés s'opère sans que le sang soit versé. ce qui est absolument considérable. C'est même beaucoup plus que ce que nous lui prêtons dans notre jugement. Nous avons l'impression que sans Gorbatchev, on ne fera pas affaire, etc. Mais on a déjà eu des jugements comme ça sur d'autres hommes d'État soviétiques, y compris Staline. Hein. Il faut pas oublier qu'il a été très, très populaire en Occident. Mais ces révolutions qui se sont opérées, sans que la force ait été employée, sans que le sang soit versé, car le sang versé en Roumanie, Gorbatchev n'y est pour rien, c'est considérable. Et ça, historiquement, on a vu des systèmes s'effondrer, des tyrannies, des systèmes totalitaires, jamais en temps de paix comme ça, dans cette sérénité et cet effort des sociétés. Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à faire de lui l'instigateur ou le comploteur, comme dit quelqu'un comme François Fetjeu, du printemps des peuples européens ? Je ne dirais pas tout à fait cela. Je dirais que il a laissé faire quelque chose que les peuples ont voulu. Car si on y réfléchit, vous évoquiez tout à l'heure l'exode des Hongrois vers Vienne. C'est en effet par là que tout a commencé. Un beau matin, les Hongrois se sont mis à couper la frontière qui les séparait de l'Autriche. Elle était symbolique, véritablement, de la division des deux Europes. Et lorsqu'ils ont fait cela, il se trouve que Gorbatchev a fermé les yeux. Et ce jour-là, on ne l'a pas assez observé, ce jour-là, tout le monde dans l'Est de l'Europe a su que tout devenait possible, qu'il n'était plus interdit, et ce tout devenait possible, ça a été la chute du mur de Berlin, et c'est aujourd'hui la réunification allemande, c'est-à-dire tout ce qu'on croyait impossible. Bon. Et d'une certaine façon, il est vrai que l'Union soviétique accepte de payer le prix, je dirais, en liquidant ses victoires de la Seconde Guerre mondiale, accepte de payer par là le prix d'un effort pour sortir du désastre économique, d'un naufrage complet. Bon, ça, c'est le Gorbatchev du monde extérieur. Alors, le Gorbatchev de l'intérieur, c'est beaucoup plus ambigu. C'est un homme qui a été extraordinairement populaire, parce que je crois que c'est par là qu'il faut commencer, dans les trois premières années où il était au pouvoir, qu'il est de moins en moins, qu'il est tellement peu aujourd'hui, qu'en Union soviétique, où l'on fait en permanence des sondages qui sont publiés dans la presse, des sondages d'opinion, oui. Tout à fait, et par des instituts maintenant de grande qualité scientifique, des sondages où l'on demande, comme ici, quel crédit vous accordez au parti, à tel homme d'État, on ne sonde plus les gens sur la sympathie ou la confiance qu'ils accordent à Gorbatchev, parce que la fois où on l'a fait, il y a quelques mois de cela, le journal qui l'a fait s'est vu menacé de perdre son directeur. Comme il apparaissait que Gorbatchev était impopulaire, le prince de la Glasnost a voulu le faire chasser. C'est tout de même, il n'a pas supporté que son impopularité soit étalée dans un journal. Et depuis, dans ces sondages, c'est tout à fait flagrant, on met la popularité de Reshkov, celle de Yakovlev, celle de Ligachev, de n'importe qui, mais on dirait qu'il n'y a pas de Gorbatchev. Celle de Boris Eltsine aussi. Oui, tout à fait, et il est très populaire. Et puis, je dirais que Boris Eltsine, on a des sondages nature dans les élections récentes. Hein. C'est extrêmement important. Alors, et puis on voit ça dans les manifestations, dans tout ce que l'on voudra. Mais ce qui est... Et les sondages, évidemment, osent parler d'Eltsine, ça va de soi. Donc, il y a un Gorbatchev, et c'est la première chose qu'il faut dire, qui, au fil du temps, est devenu impopulaire de deux côtés, et à qui la société soviétique reproche de n'avoir pas su faire les réformes réelles. Les réformes économiques s'entendent, d'être responsable du fait que les magasins sont vides, que la pénurie est absolument installée et bien pire qu'elle ne l'a jamais été, etc. Oui, il y a ceux qui lui reprochent d'avoir fait trop de réformes et d'avoir été imprudent, d'avoir liquidé l'Empire, détruit l'armée, etc. C'est-à-dire que le malheureux est pris entre tous les courants et tout le monde est mécontent de lui. À la périphérie, on lui reproche d'avoir fait tirer sur les manifestants en Géorgie, d'avoir envoyé l'armée en Azerbaïdjan. Aujourd'hui même, il menace d'envoyer l'armée rouge dans toutes les républiques où il y a des milices populaires, c'est-à-dire d'utiliser son pouvoir présidentiel pour établir l'ordre présidentiel qui est inscrit dans la constitution amendée qui a fondé ce pouvoir présidentiel, ce qui ne va pas lui donner un surcroît de popularité. Donc il y a un décalage absolu entre le Gorbatchev de l'extérieur et le Gorbatchev de l'intérieur. Pour le monde extérieur, c'est l'homme qui peut tout. Pour l'intérieur, c'est l'homme qui n'est plus capable. Alors comment juger quand même? Parce que on lui reproche, et c'est une phrase qui résume bien l'état d'esprit soviétique, on lui reproche tantôt de ne pas de franchir un précipice par petits bonds, c'est-à-dire de courir à l'abîme. On lui reproche tantôt, et ça c'était Sakharov, de replonger l'URSS à l'état d'une province, d'une puissance provinciale de troisième ordre. On lui reproche, au contraire, d'accélérer les transformations. C'est lui qui a lancé la fin du parti unique. C'est lui qui a voulu la séparation entre l'État et le parti en URSS. Alors, comment démêler? Alors, je vais vous dire, je crois que aujourd'hui, si on essaie de faire le bilan, c'est incontestablement un homme, avec toutes les vertus que j'ai dégagées, c'est-à-dire un homme qui a senti ce qu'il fallait faire, qui a essayé de s'adapter et qui ne veut pas verser le sang. Ça, je crois que c'est capital, c'est vrai aussi dans son pays. C'est tout de même un homme qui est confronté à des événements qui aujourd'hui vont tout seul et qui les suit comme il peut. Vous avez parlé tout à l'heure de la fin du parti unique. Mais c'est vrai que le parti unique était fini avant qu'il ait proclamé la fin. Le pluripartisme de fait existe en Union soviétique pratiquement maintenant depuis 2 ans. C'est-à-dire dès qu'on a instauré à la fin de l'année 88 un nouveau système électoral qui permettait de choisir entre plusieurs candidats, les fronts populaires sont pratiquement devenus des partis politiques. Mmh. Et l'on peut dire que les élections du printemps 89, d'abord, ont vu triompher de vrais partis. Le Sayudis, le parti de l'indépendance qui a fait l'indépendance de la Lituanie, c'est un parti politique. C'est un front populaire qui est devenu parti. Il y a des partis dans toute l'Union soviétique. Et ce qui est intéressant, le jour où Gorbatchev a dit, on pourrait accepter le multipartisme. De fait, en Russie, dirigée par Boris Eltsine, il y a déjà une constitution où Gorbatchev n'est pour rien, où le multipartisme est inscrit dans la constitution. Et quand Boris Eltsine quitte le parti à la fin du 28e congrès, il dit « je ne peux pas, étant responsable de la Russie, être membre d'un parti parce que ma république à moi est la république du pluripartisme », Gorbatchev est en retard sur les événements. L'URSS, lui, il est le patron de l'URSS. L'URSS qu'il dirige n'a pas encore réalisé le pluripartisme en droit. Le parti unique a tout juste renoncé à être le parti dirigeant. Le parti communiste que tout le monde quitte, tous les hommes de prestige quittent. Gorbatchev en est le patron. Il est le patron d'une URSS. Alors ça, si vous me demandez un bilan, il est le patron d'une URSS qui pratiquement n'existe plus, puisqu'elle a été quittée par les États baltes, puisque la Russie a proclamé sa souveraineté, l'Ukraine a proclamé sa souveraineté. Il est le patron d'un parti communiste pour lequel les militants ne payent plus les cotisations et que toutes les personnalités de prestige abandonnent. C'est tout de même une position... Vous voyez, ce que je voudrais vous montrer, c'est le côté extraordinairement ambigu aujourd'hui de Gorbatchev. Alors, je crois qu'il faut y ajouter une chose, c'est tout de même un homme d'une extraordinaire bonne volonté. Vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce un apparatchik tout simplement ou pas? C'est certainement, c'est un homme d'appareil qui a été élevé dans l'appareil et probablement la rupture avec le parti aujourd'hui lui est très douloureuse. Et c'est ce qui expliquerait qu'au lieu de faire ce qui aurait probablement été souhaitable, c'est-à-dire dire à la fin du 28e congrès, moi je ne suis plus chef du parti, je suis président de l'URSS, ce qu'a fait Eltsine. Bah, il s'est voulu patron d'un parti qui ne représente plus rien, qui est discrédité. Et ça aussi, les sondages le montrent. Les sondages montrent qu'il y a au maximum 18% de la société soviétique qui a une vague estime encore pour le parti. Hein, c'est même extrêmement intéressant. Oui, mais il n'y a rien d'autre. Ah bah si, il y a des partis politiques aujourd'hui, partout. Il y a une floraison de partis politiques et les gens s'y précipitent. C'est pour cela que ce parti est ridicule maintenant. Et que ce congrès, d'ailleurs, c'est surréaliste ce congrès. Et il est vrai que toute l'Union soviétique s'est totalement désintéressée de ça. Il n'y a que, je dirais, que les gens qui étaient obligés d'en rendre compte et puis les militants du parti qui étaient obligés de s'en préoccuper. Encore ceux qui payent leurs cotisations et ceux qui ont des fonctions dedans. C'est un phénomène tout à fait curieux. Mais cela dit, Gorbatchev est un homme d'extraordinaire bonne volonté. Et après tout, il a accompagné et donné des coups de pouce à cette chose fantastique, c'est-à-dire la transformation d'un régime totalitaire en un système qui s'oriente vers la démocratie. Alors ça, c'est étonnant parce que la transformation d'un régime totalitaire par un homme de l'intérieur, par un homme du dedans, par un homme qui vient du froid, c'est ce qui nous surprend le plus. Alors, je voudrais votre avis sur un petit élément de sa biographie, qu'on connaît peut-être ou pas assez, je n'en sais rien. Gorbatchev est le petit-fils d'un koulak qui a eu l'idée... C'est le fils d'un paysan, oui. Mais son grand-père était un koulak qui s'est adapté dans les années 30 à la grande collectivisation dans le sud de la Russie et qui a accepté de prendre la... Il a fondé un kolkhoz. Je vais vous dire. Alors ça, la biographie de Gorbatchev, il faut l'écrire autrement. Ah oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est la biographie idéale. Parce que ça, c'est joli. Voilà, ça prouve comment... Ça faisait de lui un parfait la vérité, soviétique. Oui, la vérité, sa biographie est étonnante d'un autre point de vue. Un fils de paysan... pauvre ou pas pauvre, n'était pas destiné à devenir un très haut cadre du parti, n'était pas destiné à aller étudier à l'université de Moscou, n'était pas destiné à devenir Gorbatchev. Alors, ce qui est clair, et ça, quand on connaît l'histoire de la campagne pendant la Révolution, on le sait très bien, son père et ses pères et grands-pères et tout ça, c'était des paysans moyens, et pas des koulaks, de toute évidence, c'est-à-dire ce qu'on appelait des séledniaki, des gens qui avaient un petit bien, qui ont très bien senti la Révolution, qui se sont manifestement, car il y a eu une guerre civile à la campagne dès 1917, et les paysans malins se sont jetés du côté du régime bolchevique et se sont fait les dénonciateurs des autres. Et ça a été les flics de la campagne. Et son père a été tractoriste, enfin, je dirais, il a été l'un des encadreurs, des commissaires politiques de campagne, pour traduire ça en termes plus commodes. C'est ce qui permet. Manifestement, il a basculé. Il a fait ses études à Moscou. Je dirais que ça ne permet pas totalement de comprendre. Ça montre simplement, ça explique quelque chose de remarquable, c'est que cet enfant ait eu une enfance préservée alors que la campagne a été terrible. Et qu'en fait, avoir été enfant de paysan, c'était le cauchemar. Manifestement, il a échappé au cauchemar. Je crois qu'il faut y ajouter un autre élément qui explique au fond ce qui se passe. C'était certainement un garçon. Pardon ? Il y a appris aussi la roublardise. Oui, mais le sens surtout de l'opportunité. Sans aucun doute, mais aussi, c'était certainement un garçon remarquablement doué. Et le système soviétique, avec tous ses défauts, a eu une qualité. Il a essayé de repérer les gens doués sur tous les plans, pas seulement intellectuels. Il fallait coller au système. Ah. Il n'aurait pas collé au système, ben évidemment. S'il n'avait pas collé au système, s'il n'avait pas été le petit pionnier épatant qui devait surveiller ses petits amis, il ne faut pas raconter d'histoire. Ouais. S'il avait été le petit garçon loyal qui n'aurait jamais menti au nom du système, etc., il serait resté dans son village et il aurait dépiqué des pommes de terre, c'est tout, ou repiqué des pommes de terre. Il est certain qu'il a été repéré comme quelqu'un qui pouvait faire le jeu. Qui était parfaitement adapté, au fond, qui était le prototype du bon communiste. Mmh. Et c'est ce qui explique, vous savez, dans sa biographie, alors il faut ajouter un élément extraordinaire, Douminc, le communiste français qui a toujours traité avec le milliardaire communiste, a accueilli les Gorbatchev, le couple Gorbatchev, qui n'était pas le patron de l'URSS à ce moment-là, dans sa propriété de Toulouse, à la fin des années 50. Ils ont sillonné dans la voiture de Douminc, tous les deux, la France pendant 5 semaines. Mais ça n'existe pas en Union soviétique. Jamais on ne lâchait les gens comme ça. Il fallait qu'on ait sacrément confiance dans ce couple pour leur permettre de se balader en voiture à travers la France librement. Aucun dirigeant soviétique ne faisait ça. Il n'était suivi par personne. Il faut croire, si vous voulez, qu'on avait décelé en lui un homme qui collait au système, à qui on pouvait tout concéder. Alors, il est extraordinairement malin. Est-ce qu'il va se faire piéger comme Khrouchtchev? Parce que il est en train de lancer des petites bombes. Par exemple, un écrivain comme Alexandre Kabakov, qui explique que l'URSS va bientôt se libaniser. Bon, et c'est un copain de Gorbatchev. Alors, comment? Est-ce que c'est malin? Est-ce que c'est dangereux? Oui, mais je ne crois pas que ce qu'on puisse dire que ce soit la bombe de Gorbatchev. Chaque citoyen soviétique aujourd'hui, ça il faut le savoir, il suffit d'y avoir mis les pieds, est hanté par l'idée qu'on va vers la guerre civile. Et l'obsession de la guerre civile, vous ne pouvez pas adresser la parole aux soviétiques sans qu'ils vous disent c'est la guerre civile demain. Ouais. Et l'image du Liban, et c'est tout de même vrai, le Caucase est libanisé. En Azerbaïdjan et en Arménie, c'est le Liban aujourd'hui. Par conséquent, le Kabakov a fait une espèce d'anticipation sur le centre de la Russie de ce qui est le cauchemar de tous les Russes. Après tout, les gens de 20 ans même ont entendu raconter les horreurs de la guerre civile, ils savent ce que c'est. Ils ont l'impression que peut-être dans ce pays qui se démocratise, on pourrait s'en sortir, et pèsent pour des raisons économiques, pour des raisons d'un pouvoir qui ne tient plus rien. Parce que qu'est-ce que c'est l'Union soviétique aujourd'hui? On revient à Gorbatchev. Aujourd'hui, il n'a de pouvoir sur rien. Ça, c'est ça le mystère de l'Union soviétique. À l'extérieur, il est tout puissant. Il est tout de même le patron d'une superpuissance qui s'effondre, mais d'une superpuissance. À l'intérieur, quand il dit quelque chose, personne n'y obéit. Quand il dit aux mineurs, ne faites pas la grève, parce que c'est dramatique pour moi. Il fait une loi pour expliquer aux mineurs qu'ils ne peuvent pas faire la grève. Et aussitôt la loi faite, les mineurs se remettent en grève. Avec leur comité de grève, tout ça organisé. Ils ne reconnaissent pas les syndicats qui sont sous les ordres de Gorbatchev. Enfin, en Union soviétique, le pouvoir n'est plus le pouvoir. Le pouvoir, il est dans la rue. Il est dans les comités de grève, dans les fronts populaires, dans tout ce que vous voulez. Le maire de Moscou, le maire de Leningrad, il se fiche et perd du monde l'autorité de Gorbatchev. Ils disent, Gorbatchev a fait le blocus contre la Lituanie avant d'en arriver à la négociation. Et le maire de Moscou et de Leningrad, ces deux maires, ont dit « Nous, on va engager des pourparlers avec ces gens-là pour organiser la vie. » Vous voyez, plus personne n'obéit. Alors, pour conclure, en quelques mots, si c'est possible, Hélène Carrère-Dancos, est-ce que l'URSS de Gorbatchev, qu'il est en train de dégeler, c'est une URSS qui remonte des surfaces et qui est tout entière congelée, telle qu'elle était auparavant, c'est-à-dire nationaliste, antisémite? Non, je ne dirais pas cela du tout. Alors là, je suis tout à fait en désaccord avec cette image. Je crois que c'est la vraie image. C'est le pays qui a été enfoui sous les décombres. C'est une maison qui s'est écroulée. Il y avait un pays vivant dessous, le pays du début du siècle qui s'épanouissait. L'antisémitisme, il y a une petite part, mais petite. Il ne faut pas s'y tromper, il ne faut pas la grossir. Il ne faudrait pas qu'elle grossisse d'ailleurs. Le nationalisme, c'est vrai, mais la nation, c'est une force vive. C'est autour de ça qu'une société s'organise. C'est une force positive. C'est par là que passe la démocratie. La démocratie ne se fait pas dans le désert et dans l'abstraction. Et le pays est en train de sortir des décombres. Il a toutes les chances d'atterrir dans une démocratie. malgré les difficultés économiques. Il y a le passage dramatique des années à venir, mais ces décombres qui s'écartent laissent apparaître des forces vives. Et je crois que c'est ça, quand nous regardons, qu'il faut voir et qu'il faut essayer d'encourager. C'était Memento pour une année folle, Gorbatchev et les glaces de la Glasnost, une émission de Pascal Werner, enregistrée le 25 juillet 1990 et diffusée la première fois le 30 août de la même année sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.